Moscou a abrité le 13 le rendez-vous pour célébrer l'élection du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée, tenu sous les auspices du Comité du Milieu Social de Russie de soutien au 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Y ont pris part les personnalités de l'Association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée, du Comité de la ville de Moscou du Parti communiste de la Fédération de Russie, du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, de l'Alliance du Fonds international pour la paix, du Conseil des vétérans de la guerre de Corée et de l'Institut de l'Orientalisme de l'Académie des sciences de Russie. Y ont été invités le chargé d'affaires par intérim coréen et ses collaborateurs en Russie. Les orateurs ont félicité l'élection du respecté camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée au 7e congrès du parti et souhaité au peuple coréen grand succès dans l'application des tâches du congrès du parti sous la direction avisée de Kim Jong-un. Les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du président du parti coréen.